Psaume 139. Psaume de David, donné au maître chantre. Éternel, tu m'as sondé, et tu m'as connu. Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève, tu aperçois de loin ma pensée. Tu m'enseins, soit que je marche, soit que je m'arrête, et tu as accoutumé toutes mes voies. Même avant que la parole soit sur ma langue, voici, ô Éternel, tu connais déjà le tout. Tu me tiens serré par derrière et par devant, et tu as mis sur moi ta main. Ta science est trop merveilleuse pour moi, et elle est si haute et élevée, que je n'y saurais atteindre. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, si je me couche au sépulcre, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aube du jour, et que je me loge au bout de la mer, là même ta main me conduira, et ta droite m'y saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit même sera une lumière tout autour de moi. Même les ténèbres ne me cacheront point à toi, et la nuit resplendira comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Or tu as possédé mes reins dès lors que tu m'as enveloppé au ventre de ma mère. Je te célébrerai de ce que j'ai, et t'es fait d'une si étrange et si admirable manière, tes œuvres sont merveilleuses, et mon âme le connaît très bien. L'agencement de mes os ne t'a point été caché, lorsque j'ai été fait en un lieu secret, et façonné comme de broderie dans les bas-lieux de la terre. Tes yeux m'ont vu quand j'étais comme un peloton, et toutes ces choses s'écrivaient dans ton livre au jour qu'elles se formaient, même lorsqu'il n'y en avait encore aucune. C'est pourquoi, ô Dieu fort, combien me sont précieuses les considérations que j'ai de tes faits, et combien en est grand le nombre. Les veux-je nombrer, elles sont en plus grand nombre que le sablon. Suis-je réveillé, je suis encore avec toi. Ô Dieu, ne tueras-tu pas le méchant? C'est pourquoi, homme sanguinaire, retirez-vous loin de moi. Car ils ont parlé de toi, en pensant à quelque méchanceté, ils ont élevé tes ennemis en mentant. Éternel, n'aurais-je point en haine ceux qui te haïssent, et ne serais-je point irrité contre ceux qui s'élèvent contre toi? Je les ai haïs d'une parfaite haine, ils m'ont été pour ennemis. Ô Dieu fort, sonde-moi, et considère mon cœur, éprouve-moi, et considère mes discours. Et regarde s'il y a en moi aucun dessein de chagriner autrui, et conduis-moi par la voie du monde.